baby, quand vous moi dire oui, ou fait que y'a moins pas. Que y'a moins bon possible pour la santé qui va. Baby, baby, nous fait moins perdre la carte. Baby, comme moi, avec que j'allais se faire, quand vous moi dire oui, ou fait que y'a moins pas. Que y'a moins bon possible pour la santé qui va. Baby, baby, nous fait moins perdre la carte. Baby, comme moi, avec que j'allais se faire. Doudou, on a la dame, souvent t'es affichant. Et que y'a moins fait, y'a elle, bébé, c'est tau seulement. En que bam, bam, bam, l'amour est tellement. Attention, précaution. Et là, on regarde les mains, c'est. Que y'a moins qu'à battre tellement. Que y'a moins tellement balisé. Je vous en gavre seulement. On va quand même regarder. Doudou, moi, y'a mieux tellement. Tellement, tellement. Et baby, quand on plus moins dire oui, ou fait que y'a moins pas. Que y'a moins bon possible pour la santé qui va. Baby, baby, ou fait moins perdre la carte. Baby, comme moi, avec que j'allais se faire. Quand on moi dire oui, ou fait que y'a moins pas. Que y'a moins bon possible pour la santé qui va. Baby, baby, ou fait moins perdre la carte. Baby, comme moi, avec que j'allais se faire. Oh, oui, depuis l'année, à commander bon Dieu, en l'amour sérieux. Allez, on s'en vit gâte en main. Non, pas paniquer, nous, à pas l'obade. Tu gardes moi en yeux. Vini, vini, moi, bois en main. On regarde en yeux, tout, oui, c'est ça qui l'amour. Tous ces riches, sa vie en main. Tu ne sais ça, moi, c'est fou. Love, la carotte, moi, fou. Et en que bas, bas, l'amour, car mon bisou, tellement. Mi mauvais qui oxygène, moi, you vital seulement. Ben, non, moi, tu ne sais ça, moi, number one. C'est pour moi, you fait tellement. En que bas, bas, l'amour, car mon bisou, tellement. Mi mauvais qui oxygène, pour moi, you vital seulement. Ben, non, moi, tu ne sais ça, moi, number one. Et baby, quand on veut moi dire oui, ou fait que y'a moins pas. Que y'a moins bon possible pour la santé qui va. Baby, baby, ou fait moins perdre la carte. Baby, comme moi, avec que j'allais se faire. Quand on veut moi dire oui, ou fait que y'a moins pas. Que y'a moins bon possible pour la santé qui va. Baby, baby, ou fait moins perdre la carte. Baby, comme moi, avec que j'allais se faire. L'amour, la belle, donc a fait parler. Oui, parole, c'est vent, bébé, pour yon ne fait pas y égaler. En choisir pour gagner, en seyant, ou a fait parler. Qui pied bois, qui ni grain, a si wesh, tu pas ravoyé. Vini, moi, moi, moi, vini, moi, chalet à l'amour. Ou c'est si que ça sert, puis elle va t'y vie douce qui vous. Qu'on s'étoile, le cabrié, en ciel, en plaisir, contemplez-vous. Doudou, mi mélodie à l'amour. Et baby, quand on veut moi dire oui, ou fait que y'en moins pas. Que y'en moins bon possible pour la santé qui va. Baby, baby, ou fait moins perdre la carte. Baby, comme moi, avec que j'allais se faire. Quand on veut moi dire oui, ou fait que y'a moins pas. Que y'a moins bon possible pour la santé qui va. Baby, baby, ou fait moins perdre la carte. Baby, comme moi, avec que j'allais se faire.